Règne une atmosphère lugubre, mentalité délabrée, logement insalubre. Mon rap devient macabre, histoire de fausser le décor. Les gros cylindres et cabres, aille laisser une vertèbre ou la cervelle. Range ton sabre, la vie fait le tri. Critère d'un hiver ténébreux, tricard comme c'est ça les bruits. Plus rien à célébrer à part nos sorties de placard. On s'avilie, moha, sa vie livrée à quoi, lié à qui. On parle d'incivilité, trop de fiches de putain de civil. Tous ces bâtards avec leur bookmaker, je replie les troupes. Mets tout sur le rap et si ça foire, je braque le bookmaker. Là si tu troubles, là où la haine troue l'âme, trouille où ça se situe, drame, vie assidue. Ça flippe rouille, la mais la merde grouille. Tant que toi flic, amertume, bitume, froid, loin d'être amplitude. La merde même, mon pote les putes pas trop. On évolue, les yeux rouges, démolis des volumes, des hits. Même au lit, rongé, fonce, des pas de rouillard, elle est si rouille. J'pense juste à ce qui est pas trop loin des vôtres. Fume, foule, délit, démoli à ce qu'on parle. Sur les carreaux de la dernière feuille, mec, j'traîne mes semelles, livré à prendre la merde. Et les barreaux poussent derrière ma fenêtre. On y a vu que dalle, parti en couille, tombé dans la pillave. En dépit avec quoi la doule, les mioches n'aiment pas les képis. Livré à quoi si ce n'est qu'à chiffrer. Tous vous à l'échec, à vouloir s'empiffrer, on finit givré. Livré à quoi, un petit départ sur ton livret A. Pas de quoi vibrer, juste quoi vivre. Là si tu troubles, troubles, ça si tu creuse l'écart, l'attitude trouble, les yeux écarlates. La terre est ternie, pauvre, décor est vermi. Nos ombres errent, ces derniers sous réverbère. Ça rêve herbe, or et perli. Revers de mes pertes, envers du deck, deck. Pas dehors tes vers. Plein d'hits, mots, des mots faits par des mots. Esquinté, l'esquinte, SL stress, destin. Mesquin, cation de baisse, veste blindée. Putain la poisse, celle 13. Mes putains d'épaules, support 13 fois. Sortie de boîte, dans le bois à poil. N'y a de quoi j'boite. Port pourri ma poisse, brûle les lois, transgresse. Et quoi, en transe, ils boivent la peau poreuse. Ils transpirent plus, parce qu'à tant de graisse, peur en baisse. Pute, y'a bien longtemps que je transpire plus. Vent fou. On peut haïr chez nous. Vous craint autant qu'on peut trahir chez nous. Et vous prévient qu'on peut jaillir chez vous. Comme vous chez nous, avec la haine et sans prévenir. J'aime le bruit que fait un flingue.